Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Ben, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin. Bienvenue à Iconophile. Roy Moore. Connaissez-vous Roy Moore? Là, vous vous dites, oui, il me semble que je sais, là, c'est le sénateur, là, c'est le... Ouais, on va en parler juste 2 minutes. Roy Moore, c'est un juge, 70 ans, homophobe, évangéliste intégriste, populiste ultra-conservateur, un juge anti-establishment qui a été désigné par les électeurs conservateurs pour représenter le Parti républicain à l'élection sénatoriale de l'Alabama, battant d'ailleurs le candidat soutenu par Donald Trump. Pur produit du Sud, là, tu sais, c'est très pieux, récite la Bible à tout bout de champ, avec son revolver à la ceinture, et c'est même pas une blague. Il va voter à cheval. c'est pas un 200 chevaux, lui, c'est un cheval. Et c'est un fervent, oui. Et aussi et surtout, un provocateur. Il a été suspendu par la Cour suprême de l'Alabama 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il s'est opposé à l'agenda homosexuel pour les mariages. Hein? En 2015, il a ordonné aux juges, avocats et à son personnel aussi, de ne pas respecter la loi qui permettait pourtant les mariages homosexuels. Hein. Il a refusé de produire les documents pour authentifier ces mariages-là, c'est sa façon de faire, contrevenant ainsi à la loi fédérale. Je vous rappelle que c'est un juge. Il a répondu que c'était la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que le mariage ce soit entre un homme et une femme. Il a dit que Dieu a créé la femme pour l'homme. Vous ne saviez pas ça, hein? Il a dit que... Il dit que l'homosexualité est illégale. Pour lui, c'est pas une question de loi, là. C'est détruire ce qui a été instauré par Dieu. La commission d'enquête judiciaire de l'État l'a suspendu pour 6 manquements à l'éthique, dont abus d'autorité et refus d'obéir à la loi. Il dit que la loi glorifie la sodomie. Il dit que ce qui était une abomination pour Dieu est devenu un droit. La première fois qu'il a été suspendu, c'est parce qu'il a fait produire un monument en granit de 2,5 tonnes, un monument des 10 commandements. Monument qui a été installé à l'entrée du tribunal. Rien de moins. Tu sais, la séparation de l'Église et de l'État, lui, là, il croit pas à ça. Là, c'est du niaisage. La Cour lui a ordonné de l'enlever de là. Il a refusé d'écouter la Cour. Une commission sur l'éthique a estimé qu'il devait être suspendu parce qu'il s'est placé au-dessus de la loi. Ça, c'était en 2003. Là. Moore est en campagne, donc, vous le savez probablement, pour le Sénat. Républicain, bien sûr. Sa plateforme est essentiellement sur des questions de morale chrétienne. Il dit que les lois de Dieu, on ne peut pas aller au-dessus de ça. C'est... Et la déclaration d'indépendance, c'est les 2 affaires. Le reste, c'est rien. Il est même allé affirmer que l'islam, c'est une fausse religion. Ben, Moore a été accusé d'attouchement sur une fille de 14 ans en 1979. Il aurait aussi eu des comportements déplacés envers au moins 3 autres femmes, alors qu'elles étaient âgées de 18 ans ou moins. Il a aussi tenté de violer une jeune femme de 16 ans en janvier 1978. Il n'en fait de rien. Et Trump est derrière lui à 100%. T'es entre violeurs. C'est quoi le rapport avec l'économie? Ben, en fait, il faut savoir que Trump le veut hein, pour pouvoir soutenir ses projets, bien sûr, pour plaire à sa base, mais aussi économique quand même. Ça prend quelqu'un qui vote du même bord. Il dit que les questions morales, dans le fond, là, c'est pas important. Ben, sachez que Roy Moore est le favori pour récupérer le 12 décembre prochain, donc ça s'en vient, le fauteuil de sénateur occupé depuis 20 ans par Jeff Sessions, le tata qui est devenu procureur général et qui ment à tour de bras. Et Saturday Night Live a fait une parodie majestueuse. À Washington, plusieurs voix républicaines se sont élevées sans succès pour demander à Moore de renoncer. La quasi-totalité du groupe majoritaire de la Chambre haute du Congrès lui a retiré son soutien, quand même. Et le responsable de la campagne républicaine des sénatoriales, Cory Gardner, a même suggéré que si Roy Moore se maintenait et qu'il était élu le 12 décembre, ben le Sénat devrait l'exclure, ce qui serait une première pour un sénateur fraîchement élu. Et pendant ce temps, ben Al Franken, hein, qui lui représentait le Minnesota, avec raison, à qui plusieurs ont reproché ses comportements, ben il a démissionné. Les républicains croient que les démocrates, quand ils y croient, là, les démocrates, quand ils disent qu'ils ont des comportements sexuels inappropriés, mais ils croient pas les femmes quand l'accusé est un républicain. C'est drôle, hein? Non, pas vraiment. Bienvenue à Iconophile. Vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, sur le blog, ben on est là. Allez aimer la page Facebook pour nous suivre, Iconophile891. Et puis pour trouver le blog, ben il y a deux façons. Le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook, ou encore ben, vous allez sur iconophile.net pour y arriver directement. Iconophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. On en a un pour vous d'ailleurs la semaine prochaine au menu. Et puis, vous y trouverez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité de nos émissions qui sont disponibles dans la section Logique Émissions. Jean-Claude Cloutier, bonjour. Oui, bonjour David. Je suis en forme au début, hein? Ça me tentait. Oui. On va parler aujourd'hui d'un sujet, hein? On aime ça, nous, les défis, on est fait de même. Parler d'immigration en ces temps où ça tombe bien quand même, parce qu'on l'a noté, on l'a déjà aussi déploré, une montée d'intolérance dans le contexte actuel. C'est intéressant de parler d'immigration, ne serait-ce que pour remettre les pendules à l'heure. Il y a une couple de mythes, hein? Enrayés de la carte, si on veut, là. Bien, c'est sûr, on en parle beaucoup dans l'actualité ces temps-ci, puis en fait depuis plusieurs années, sous différents aspects, les aspects identitaires, culturels, etc. Mais nous, c'est peut-être plus l'aspect économique. Je pense que dans l'aspect économique, il y aurait quand même des choses à mettre au point. Là, c'est peut-être pas des mythes, mais il y a peut-être des perceptions là, qui sont questionnables et qu'on pourrait remettre, on pourrait soulever en tout cas des questions. Certainement, entre autres, celle qui dit qu'on accueille la misère du monde. Là. Ça, c'est une des impressions assez fortes que certains peuvent avoir. Or, on va vous le dire et on va l'expliquer, c'est vraiment pas ce qui se passe. Quant au chiffre de la semaine, on va présenter ça différemment, je trouve que c'était une bonne suggestion de ta part. Je te laisse aller. C'est quoi le chiffre de la semaine? Ben, en fait, on va le dire à la fin, là. On va laisser nos auditeurs en suspens. En fait, c'est la question de la semaine, c'est quelle est, puis c'est un peu dans le suivi de l'émission de la semaine dernière, c'est quel est le pourcentage des ménages canadiens qui n'ont aucune dette. La donnée est sortie cette semaine là, de Statistique Canada. Ça va être le fun de savoir c'est quoi les chanceux. Les chanceux qui peuvent à nouveau s'endetter. C'est ça. Réponse en fin d'émission, donc. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. Alors Jean-Claude, un peu de musique, je me disais ça donne envie d'émigrer à Paris. Mais donc parlons-en d'immigration et de l'économie, de la dynamique économique, ce que ça peut provoquer ou en bien ou en moins bien si on veut. Il y a quand même des pour, il y a des contre, il y a des choses à dire là-dessus intéressantes. Tu voulais commencer par quelques chiffres, de quoi on parle en fait? Il y a des données intéressantes. Oui, ce serait peut-être intéressant pour fixer un peu les idées au départ. Là, d'abord dire, évidemment c'est un phénomène mondial, puis des pays qui reçoivent plus d'immigrants que d'autres. Peut-être en termes de population, l'importance dans la population, les États-Unis sont les champions là-dedans. Il y a 46 millions de personnes qui sont des immigrés aux États-Unis, de première ou de deuxième génération. L'Allemagne suit avec 12 millions. La Chine n'est pas là-dedans du tout, bizarrement. Actuellement, tu as l'habitude de voir la Chine au sommet des listes. Le Canada arrive en septième position dans le monde avec 7,8 millions d'immigrants présentement. Et la France suit un peu avec avec 7,7 millions. Par contre, évidemment, c'est des pays très populeux. Là où les immigrants sont les plus importants en termes de pourcentage, dans l'Union des Émirats arabes, ils forment 88 % de la population. Et peut-on s'imaginer ça, un pays formé de 88 % d'immigrants? Le Canada est parmi quand même les pays les plus avancés là-dessus avec l'Australie. L'Australie arrive en 22e position d'un pays développé avec 28 % de sa population qui est immigrée. Le Canada en 23e, à 22% d'immigrés. Je mentionne la ville de Québec. La ville de Québec, on est loin derrière. C'est 7,5% de la population qui soit des immigrés de fraîche date ou des enfants d'immigrés. Donc, c'est quand même, c'est pas négligeable, mais on est quand même loin de certains pays. Peut-être, j'aimerais mentionner aussi que le taux d'immigration, malgré tout, au Québec, puisque, comme dans l'ensemble du Canada, on est quand même des terres d'accueil importantes. Le taux d'immigration au Québec, c'est-à-dire dans la province de Québec, c'est de 6 immigrants par année par 1000 de population. On n'est pas loin du Canada. Le Canada, c'est 7,5. Donc, Québec, 6. Canada, 7,5 immigrants par 1000 de population. La France est loin derrière nous autres, à 2. Les États-Unis, à 3. Donc, on se fait souvent dire qu'au Québec, on n'est pas très accueillant, mais reste qu'on fait... C'est uniquement par rapport au reste du Canada qu'on est moins accueillant, ou par rapport à l'Australie, par rapport à bien d'autres pays développés, y compris les États-Unis et la France, on reçoit beaucoup plus d'immigrants per capita, en moyenne de la population. Donc, déjà, ça replace un peu les choses, mais je sais qu'à Québec, on le dit, puis on le répète, puis c'est une préoccupation. Il y en a qui arrivent. Mais c'est le problème, c'est les garder. Souvent, on va s'en aller vers Montréal, on va aller vers la métropole, comme Toronto, qui est l'exemple absolu, ou la moitié, si je me souviens bien, statistiquement. Oui, c'est toujours Toronto et Vancouver, c'est la moitié de la population maintenant. Puis ça se dirige en 2036 pour être 80 % de la population à Toronto. Rien aussi. De moins. Il y a un petit bout d'article, d'ailleurs, que je peux vous lire rapidement. Là. C'est aussi, évidemment, donc une part importante de la population active. Hein. De 2006 à 2016 environ, les deux tiers de la croissance de la population canadienne étaient attribuable à l'accroissement migratoire. Donc, c'est quand même majeur, la différence entre le nombre d'immigrants et le nombre d'immigrants. Donc, ceux qui partent, on fait le total des deux, ça nous donne ce chiffre-là. De même, l'augmentation de la population active est en grande partie attribuable à l'immigration. Les immigrants représentaient 23,8 % de la population active en 2016, en hausse par rapport à 21,2. Ça a l'air de rien, mais tranquillement, le pourcentage qui augmente, c'est un effet direct. Et en 2016, on le dit ici, ça m'a frappé quand j'ai lu ça. Je ne savais pas que c'était autant que ça. Les immigrants constituaient la moitié de la population active de Toronto. C'est quelque chose. C'est beaucoup. Peut-être j'aimerais ajouter une statistique, David, si tu permets. Je vais te poser une question. Oui. On a parlé tantôt des immigrants au Québec. J'ai parlé des immigrants au Québec. Et j'ai consulté les données de l'Institut de la statistique du Québec. Au cours de 2011 à 2015, une période de 5 ans, quel était le principal pays d'origine des immigrants au Québec, d'après toi? C'est une bonne question. Il y en avait 22 000. Je ne sais pas si ça peut être une indication. C'est-tu la France? La France est en deuxième. Ben, t'es pas si mal, David. Mais ça, c'est surtout à Montréal, apparemment. Et c'est la Chine qui est le principal pays d'origine. Ah. C'est parce qu'on pourrait s'imaginer, on a l'impression que c'est des pays du Maghreb. Remarque, il y en a quelques-uns. Oui, c'est ce que j'ai renommé après. Il y en a quelques-uns dans les 6 premières pays d'origine des immigrants québécois. L'Algérie arrive en 4e position, le Maroc en 5e, l'Iran en 6e, mais les 3 premiers, c'est la Chine, la France et Haïti. Mmh. Haïti, on s'en doutait un peu à oui. Montréal, mais la Chine, pour moi, c'était quand même une surprise, que ce soit le principal pays d'origine des immigrants québécois là, depuis au cours des 5, enfin, de 2011 à 2015. Oui, c'est effectivement, ça m'étonne parce qu'on sait qu'il y a quand même une envie d'attirer beaucoup l'immigration francophone de par le monde, ne serait-ce que pour l'intégration, ça donne un petit plus qui est non négligeable. Si on continue dans nos données, est-ce que tu as d'autres éléments intéressants à nommer? Non, mais moi, ce qui me... Ouais, ben oui, peut-être, oui, j'allais l'oublier, c'est que c'est important, je pense, d'entrée de jeu également de parler des politiques du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec. Et parce que la politique du gouvernement fédéral est souvent citée comme exemplaire par d'autres pays, notamment par Trump. Je ne sais pas si ça devrait nous rassurer ou nous inquiéter. M. Trump dit qu'il doit s'inspirer de la politique canadienne qui consiste à faire une sélection. Sélection à partir d'un système de pointage. Là, on va, par exemple, on va donner quelqu'un qui voudrait voudrait postuler pour émigrer au Canada, on va lui poser des questions sur son degré d'éducation, quel diplôme il a, son expérience professionnelle, la compétence de son conjoint, est-ce qu'il a déjà une offre d'emploi, est-ce qu'il amène de l'argent avec lui, est-ce qu'il parle anglais ou est-ce qu'il parle français. Et ça, ça donne des points. Puis quand tu as à peu près accumulé 67 points sur 100, bien là, tu peux présenter une demande. Tu n'es pas encore sûr d'être accepté. Mais ça, c'est un système, donc, nous, pour nous, les immigrants, c'est un peu comme au restaurant, quand on va à la carte, si tu veux. On décide de choisir selon ce qui fait notre affaire, plutôt que, disons, qu'ouvrir la porte là, à tout le monde. Quoique, pour être bien honnête, tu devrais dire aussi, malgré tout, que la politique canadienne, il y a quand même une part qui va aux réfugiés. Là, c'est peut-être pas la principale partie, mais on a quand même dans les critères de sélection des immigrants ou d'acceptation des immigrants, si tu veux, d'accepter les gens qui viennent ici parce qu'ils ont pour des problèmes politiques ou économiques graves. Là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'accueil des réfugiés ou des personnes en détresse. Là. On en avait glissé un mot, d'ailleurs, à l'émission, je me souviens. C'était quoi? Je pense que c'était 10%, me semble. C'était quelque chose comme ça. C'est un chiffre autour de ça. Hein. Bien, je vais dire, je vais donner le cas du Québec, parce que j'ai des chiffres du Québec là-dessus. Là-dessus, par exemple, ce qu'on appelle les migrations économiques, là, des gens qu'on a choisis parce qu'on pense qu'ils ont des bons diplômes ou qu'ils peuvent s'intégrer sur le marché du travail. En 2015, là, au Québec, c'était 60% des gens qui étaient des immigrés économiques. C'est quand même un bon du double. Par rapport à 1980, on avait 30% d'immigrés économiques. En 2015, c'est 61%. Il y a le regroupement familial. Souvent, la personne est arrivée ici en premier, le mari ou la femme. Après ça, la famille suit. Ça, c'est 21%. Les réfugiés, c'est 15%. Donc, au Québec, c'est 15% d'immigrés qui sont ici parce qu'ils sont des réfugiés. Et là, c'est une baisse par rapport à 1980. 1980, c'était 36% qui étaient accueillis à titre de réfugiés. Je me souviens pas, à l'époque, c'était des Vietnamiens ou des Chiliens ou d'une autre origine. Mais il reste que, contrairement à l'opinion qu'on a souvent, que nous accueillons beaucoup de réfugiés, 15% c'est pas négligeable, mais on a déjà fait quand même plus que ça au début des années 80. Et dans les documents que tu m'as envoyés, il y en a un, entre autres, un article qui s'appelle « Économie mondiale et circulation migratoire », El Mouhoud, qui a rédigé cet article fort intéressant, honnêtement. Je vais juste en lire un petit segment qui permet aussi de détricoter certaines de ces impressions que nous pouvons avoir, à savoir, on dit qu'on observe que plus le pays est pauvre et plus son taux d'expatriation est faible. Avouez que quand même, d'emblée, quand je disais en introduction, on a l'impression qu'on sauve, on accueille les plus pauvres du monde, puis on a une chance qu'on est là. Ben, en fait, c'est pas tout à fait ça. Hein. Plus il approche d'un stade de développement relativement intermédiaire, plus son taux d'expatriation va atteindre un maximum. C'est ce qu'on observe. Ça fait vraiment la courbe est marquée. Lorsque le PIB du pays se rapproche de celui des pays développés, ben, il évolue comme le Portugal et l'Espagne, par exemple. Son taux d'expatriation baisse et il devient ainsi un pays d'immigration. Penser que nous recevons la misère du monde est donc erroné. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien. Puis, ce qui explique dans l'article, c'est qu'on oublie le fait que pour partir, il faut que tu aies les moyens de partir. Mm-hmm. Il y a ça aussi parce qu'on s'imagine que c'est tous des réfugiés, puis c'est tous des gens extrêmement dans la misère. Puis là, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un coût extrêmement élevé à décider de quitter son chez-soi, finalement. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, il y a des coûts et des bénéfices là, pour les migrants parce que probablement, je vais raisonner un peu comme un économiste. Là. On pourrait peut-être penser que, plus ou moins confusément ou consciemment, celui qui veut émigrer fait une espèce de calcul. Il dit, mais ça va me coûter cher. Et puis, faut que je paye le voyage, faut que je paye des fois le passeur. Puis il va aussi dire, il va mettre ça en relation avec un bénéfice. Puis là, il va être attiré, par exemple, par la perspective de trouver un pays d'accueil où il va pouvoir gagner mieux gagner sa vie, puis souvent aussi avoir un meilleur avenir pour ses enfants. C'est une des motivations importantes. Les gens quittent des situations parfois difficiles où les libertés politiques sont pas là, des pays où il y a de la famine, des pays où les changements climatiques, ça, c'est beaucoup à l'origine des migrations actuelles, parce qu'en Afrique, par exemple, il y a bien des endroits où les agriculteurs peuvent plus vivre, parce que la terre est trop desséchée. Alors, il y a toutes sortes de raisons. Il y a la guerre aussi qui font que les gens cherchent un milieu plus tranquille, ou alors ils cherchent un milieu où ils peuvent faire valoir leurs compétences. Souvent, notamment les personnes qui ont acquis un diplôme dans leur pays d'origine, puis se rendent compte qu'il n'y a pas de moyen de s'employer dans leur pays, bien, ils vont dire, je vais essayer d'aller dans un pays développé où j'aurai des chances de trouver un emploi qui correspond à mes compétences. Si tu permets, Jean-Claude, on va prendre juste une petite pause, quelques secondes, puis au retour, on va justement parler, on commence à introduire ce sujet-là, la fuite des cerveaux. Hein, c'est quand même un élément qui est extrêmement important dans le dossier. Dans quelques secondes. Thank you. слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Alors Jean-Claude, poursuivons avec le sujet d'immigration. On disait qu'on allait parler de fuite des cerveaux. Je vais juste vous lire un petit segment ici qui est tiré du même article dont je parlais tantôt. Toutes les enquêtes qui ont été faites montrent que parmi les migrants et les exilés nombreux sont ceux qui possèdent des diplômes de niveau élevé. Mais cette qualification n'est ni visible ni revendiquée parce que les gens ne parlent pas la langue ou parce qu'ils sont mis dans des situations de clandestinité. Ils sont d'emblée considérés comme non qualifiés. Le statut juridique provoque en fait un déclassement des migrants sur le marché du travail. Ce gaspillage des cerveaux, brain waste, on lui donne un nom, hein, représente une perte non seulement pour les gens eux-mêmes, mais aussi pour le pays d'accueil qui les utilise. Entre guillemets, bien entendu. C'est un fait. Disons que c'est extrêmement important. Ça revient souvent aussi dans l'actualité où on dit si les gens quittent ces endroits du monde où ils sont bourrés d'études et de diplômes, en quelque part, ça laisse des traces au pays qui le voit partir. Même si en théorie, chez nous, maintenant, il y a un gain, ce qu'on constate aussi sur le terrain, c'est que c'est pas toujours ce qui se passe, finalement. Non, ben j'ai l'impression que certains immigrés, en tout cas très qualifiés, puis honnêtement, je vais venir un cran en arrière. Il y a quelques années, j'ai découvert ça, moi, j'ai vu ça, c'était à certaines conférences où on disait que les immigrés au Québec étaient plus qualifiés que la moyenne des Québécois. Ça m'a quand même, étonnant. Puis en même temps, j'étais quand même très heureux de ça. J'ai dit ça, c'est une main-d'œuvre extraordinaire, des compétences extraordinaires que nous acquérons par le biais de l'immigration. Mais sauf qu'on se rend compte très vite, là, on le constate des fois quand on prend le taxi. On constate, j'ai vu les statistiques encore cette semaine, là, que les immigrés de fraîche date, c'est-à-dire de 5 ans et moins depuis leur arrivée au Canada ou au Québec, ils ont un taux de chômage deux fois plus élevé au Canada que les natifs, comme ils disent en anglais, les Canadiens de souche. Et dans le cas du Québec, c'est trois fois. C'est à peu presque trois fois. Donc, un taux de chômage trois fois plus élevé pour les immigrants des cinq dernières années là, par rapport à au restant, si tu veux, aux Québécois de souche. C'est quand même très décevant, puis comme tu le mentionnais en citant tantôt un article, c'est comme on se prive de compétences, finalement. Oui. Mais ça pose un autre genre de... L'autre problème, tu l'as évoqué également, c'est que ça donne de priver le pays d'origine, que ce soit Haïti ou le Congo ou un autre pays, de compétences qui pourraient peut-être être utiles là-bas, les amener ici, puis de pas trouver d'emploi pour eux. Même pas les utiliser. Oui, c'est tout à fait. Il y a comme une espèce de paradoxe là, qui en fait, c'est décevant. La situation est décevante par rapport à ça. Et ça pose la question, j'ai fait allusion un peu tantôt, puis bizarrement, M. Trump l'a dit, on va imiter le Canada qui sélectionne à partir des compétences. Et pour lui, il trouve que c'est une très bonne idée, mais moi, je commence à me demander si c'est une si bonne idée que ça, alors qu'il semble que les employeurs, ce dont ils ont besoin, ce sont des gens moins qualifiés. C'est pas évidemment des gens qui ont certains talents, certaines compétences. Juste dans les deux dernières semaines, là, j'ai relu un article qui datait de quelques semaines là, qui parlait de la situation de l'emploi à Drummondville. Tu sais, Drummondville est quasiment en pénurie de main-d'œuvre présentement dans les PME. Bien, les employeurs, ils veulent avoir des gens, mais pas des gens avec des diplômes universitaires. Ils veulent avoir des gens qui peuvent opérer des machines puis travailler sur la chaîne de montage. Puis ça, ils savent plus où les trouver présentement. Ils sont obligés de refuser des commandes. Tu sais. Puis il y a des cas semblables qui se passent apparemment à Beauce présentement. Alors, il y a comme une espèce de problème présentement. Il faudrait peut-être ajuster nos critères de sélection pour s'assurer de répondre vraiment aux besoins besoin de l'économie québécoise et canadienne plutôt que de s'enorgueillir en ayant des immigrés très qualifiés, avec bardés de diplômes, mais qu'on ne réussit pas à employer. Oui, c'est ça, parce que reste que la volonté est encore là. Dans certains articles que j'avais en réserve, là, déjà le premier ministre Couillard, il a affirmé encore récemment que c'était la volonté. Hein, plus d'un million d'emplois à pourvoir d'ici 2024, dit-il. C'est ça la volonté, c'est ça l'intérêt pour le gouvernement du Québec. Et pendant ce temps-là, ce qu'on lit, ça date du 17 octobre 2017, les PME canadiennes boudent les immigrants. Hein, comme tu disais, c'est là, on le voit, là, les entreprises ont beau passer leur temps à se plaindre de la difficulté à trouver du personnel, seulement une PME sur 20 au Canada mise sur les travailleurs immigrants quand vient le moment d'embaucher du personnel, nous apprend la Banque de développement du Canada. Alors, on veut sensibiliser les propriétaires de PME qui sont en train de passer à côté de quelque chose d'important, croit Pierre Cléroux, qui est vice-président recherche et économiste en chef à la BDC. Donc, même si on a la volonté, on dit on a un problème, ils nous prennent la main-d'œuvre, on le fait pas, on le prend pas. Oui, c'est ça. Puis c'est d'autant plus paradoxal. C'est intéressant la citation que tu viens de faire là, de M. Cléroux de la Banque de développement du Canada. Puis lui, c'est un haut fonctionnaire, évidemment, c'est pas un employeur comme tel dans l'entreprise. Mais il montre bien cette espèce de contradiction. Puis le paradoxe, là où je voulais en venir, c'est que alors que le gouvernement fédéral vient d'annoncer, là, le ministre fédéral de l'immigration vient d'annoncer l'augmentation des quotas, je pense que c'est 340 000 réfugiés qu'on est prêt à accueillir en 2020. Présentement, c'est autour de 300 000. Donc, on va augmenter le nombre d'immigrés. Les milieux d'affaires canadiens ont dit que c'est pas assez. C'est 450 000 qu'on voudrait. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que les gens d'affaires sont comme schizophrènes. Ils disent deux choses en même temps. Ils disent, on va avoir plus d'immigrés. Mais là, il y en a seulement une entreprise sur 20 qui est prête à recevoir une candidature d'un immigré. Il faudra vérifier, M. Cléroux, ce qu'il voulait dire exactement. Et peut-être qu'il y a des nuances qui nous échappent, là, mais il reste que c'est un peu étonnant là, qu'il y a seulement qu'une entreprise sur 20, a priori, qui serait prête à considérer le curriculum d'un immigré là, de fraîche date. Il y avait Robert Dutrisac qui, dans Le Devoir, le 6 novembre dernier, parlait justement des chiffres. C'est là qu'on avait pris toute cette série de chiffres. Le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine qu'il entendait aussi d'ici 2020, hein, de 300 000 exactement, comme tu disais, à 340 000, le nombre d'immigrants admis annuellement au pays. Ambitieux, un tel seuil d'immigration ne manquera pas d'accélérer le déclin du poids démographique du Québec au sein de la Fédération. Donc, il aborde cette question-là aussi, qui revient régulièrement dans l'actualité, le poids du Québec là-dedans. Il écrit aussi plus loin que les gens d'affaires, par l'entremise du Conseil consultatif en matière de croissance économique, souhaitaient que ce seuil soit porté à 450 000, rien de moins. Il faut dire que, écrit le journaliste, pour les possédants, plus il y a d'immigrants, plus les pressions à la hausse sur les salaires diminuent, plus les loyers et les valeurs immobilières augmentent, plus les ventes des commerçants sont fortes. Pour les gangs petits, les avantages ne sont pas aussi clairs. Ouais, ben moi, je trouvais ça un peu assez significatif, là, cet article-là que tu viens de mentionner. Puis, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. C'est que, curieusement, puis moi, ça me questionne un petit peu quand même, c'est que nos dirigeants politiques, nos dirigeants de milieu d'affaires, les chefs d'entreprise, ils ont une vision purement utilitaire de l'immigration. Pour eux, là, c'est parce qu'on va avoir de la main-d'œuvre. Dans le cas des gens d'affaires, c'est pour mettre une pression à la baisse sur les salaires ou augmenter, dans le fond, les ventes, augmenter le nombre de consommateurs au Canada. Exact. Puis les politiciens, c'est pour garder le poids politique dans la fédération. On va avoir plus de monde au Québec pour tenir notre place. Mais l'aspect économique, là, je trouve ça un peu bizarre. En tout cas, ça manque d'élévation morale. Puis quand je vois M. Hertel, le nouveau ministre de l'Immigration, qui a défini son ministère comme un ministère à vocation économique, je pense que ça veut tout dire. C'est très clair. Oui, oui, oui, il y a des choses à rattraper. On va faire une courte pause. Pour retour, on va commencer aussi par... Non, on décrit le portrait, ça a l'air assez sombre, mais il y a quand même des pistes. Là. Il y a des choses intéressantes à dire à cet égard dans quelques instants. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89,1 CKRL. David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On parle d'immigration et d'économie, de l'impact de l'immigration sur la dynamique économique du Québec, notamment. Effectivement, des choses intéressantes. On était dans les statistiques. Je voulais juste, avant qu'on commence à parler de solutions, parce que je me suis dit, ce bout-là, il faut quand même que je le lise, parce qu'on l'a évoqué, mais les statistiques sont très parlantes, tirées toujours du même fameux article d'une dizaine de pages, mais passionnant, que je lisais tantôt. On indiquait ceci par rapport au à l'expatriation des qualifiés, on dit « plus un pays est pauvre, plus son taux d'expatriation de qualifiés va augmenter jusqu'à atteindre des niveaux astronomiques ». Quelques exemples. Haïti a un taux d'expatriation de qualifiés de 83 %. La Sierra Leone de 51 %, quand vous dites là, que la moitié décolle. Le Laos, 37 %. La Guyane, 88 %. Le Vietnam, 26 %. L'Ouganda, 34. Le Mexique, 15. Et là, la Chine et l'Inde et le Brésil, ainsi que la plupart des pays à revenus intermédiaires, ne présentent des taux d'expatriation de qualifiés que de 4 à 5 %. Vous voyez la différence extraordinairement élevée. Par comparaison, le taux de la France est inférieur à 1 %. Ce qui permettrait de faire de méchantes blagues, mais je vais me retenir. Ce qui signifie que plus un pays est pauvre, plus il va participer à la division internationale du travail en donnant au marché mondial ses qualifiés, ses cerveaux, sans qu'il y ait en retour la moindre compensation et sans que cette compensation ne soit vraiment discutée. Juste de lire ça, hein, c'est... Ben c'est terrible, dans le fond, puis c'est un peu ce qu'on disait tantôt, quand on disait, dans le fond, si nous, on n'est pas capable, si on n'est pas capable à embaucher les gens qualifiés, les gens qui ont un diplôme, qui viennent d'Haïti ou de la Sierra Leone ou du Mexique, ben il faudra s'organiser pour que leur pays, au Mexique ou en Sierra Leone, ils peuvent trouver un emploi. Et ça, une des solutions qui a été évoquée, ça fait déjà très longtemps, ça fait déjà une trentaine d'années, par M. Baghdadi, Bhagwati, par contre, c'est un Indien, si je me souviens, un économiste indien. Lui, il préconisait une taxe. Oui. Des fois, lui préconisait une taxe dans le genre suivant, c'est-à-dire que le pays d'accueil, ça pourrait être prélevé auprès de l'employeur du pays d'accueil ou auprès du gouvernement fédéral, du gouvernement Québec, on prélevait une taxe sur chaque émigré diplômé venant d'Haïti ou de Sierra Leone ou du Mexique ou du Brésil, peu importe, là, d'un pays en développement. Et on retournerait ça au pays d'origine, dans le fond. Ça pourrait être fait via la coopération internationale ou autrement, mais s'assurer que ce soit placé dans un fonds qui pourrait servir, par contre, à développer davantage l'éducation de la population dans le pays, développer les infrastructures. En fait, c'est le problème de la coopération internationale qu'on a délaissé de plus en plus au fil des années. Et dans le fond, c'est ça la solution. Il faudrait s'assurer que le Congo, la Sierra Leone ou Haïti soient en mesure, dans le fond, non seulement de former des compétences chez eux, mais de les employer surtout, oui, et s'assurer qu'il y a une motivation à rester chez eux. C'est sûr que c'est un dossier qui nous permet d'aborder de grandes questions, entre autres, la redistribution de la richesse, c'est un thème qui revient régulièrement à l'émission. En quelque part, on peut se permettre de se dire, pourquoi faut-il en accueillir? Ben parce qu'en quelque part, le niveau de vie que nous avons, c'est aussi pas mal beaucoup parce qu'il y a moins de distribution qu'il devrait. Donc, les difficultés des autres nous posent des questions sur nos propres conditions à nous. Donc, comment tu fais de barrer ta porte quand tu profites de la situation quelque part? Il y a ça qui se pose. Mais sauf que quand on rouvre la porte et qu'on met à la porte et qu'on met des conditions qui nous satisfont, nous, est-ce qu'on répond vraiment au problème? Mais non, on se rend compte que c'est un cercle parfaitement vicieux, là. On en attire les meilleurs, on les utilise mal, on vide les... Écoute, c'est un cercle vraiment totalement vicieux, là. Ben, disons qu'à défaut d'outiller adéquatement Haïti ou le Congo là, pour garder leur personnel qualifié, au minimum, il faudrait être capable d'engager, de donner un emploi décent à ceux qui arrivent ici. Et ça pose des questions peut-être plus simples que d'imposer une taxe, là. Intéressante, je trouve l'idée intéressante. L'idée est intéressante. Tu le dis de front, ce qu'il en est, là. Oui, mais c'est ça, mais il faut en arriver là. Mais comme je te dis, ça fait 40 ans que l'idée était déposée, puis on n'entend pas bien parler dans l'actualité. Les pays d'accueil ne sont pas tellement intéressés, là. M. Trump est plutôt dans un mode, tu vas en parler tantôt, de baisser les impôts plutôt. Puis Mme Jolie aussi, même des taxes beaucoup plus simples que celles-là. Mais des choses plus qui sont souvent plus évoquées, dans le fond. Puis M. Mahout, que tu citais tantôt dans le long article, lui, il appliquait ça à la France, ça, c'est un Français, mais au Québec, on l'entend aussi. Dans le fond, il appelle ça régulariser les dossiers des immigrants, c'est-à-dire... Oui, c'est une clé essentielle, s'assurer. Nous, on appelle ça au Québec, c'est surtout les ordres professionnels qui sont en cause. Est-ce qu'il y aura moyen que quelqu'un qui a un diplôme de médecin ou d'ingénieur ou d'avocat, ou peu importe, d'un autre pays, il soit reconnu plus rapidement quand il arrive au Québec? Et ça peut être le cas dans le cas de la construction, dans des métiers aussi. C'est la régularisation au sens large, c'est-à-dire les compétences acquises dans un autre pays, les diplômes acquis dans un autre pays, est-ce qu'on pourrait les approuver, les reconnaître, les régulariser plus rapidement quand ils arrivent ici, plutôt que ça tarde que ça prenne 3 ou 4 ans. Puis pendant ce temps-là, la personne peut se décourager ou la personne est dans la misère carrément en attendant d'avoir sa situation régularisée. Alors ça, c'est une solution qui est peut-être plus accessible à court terme, mais même là, on a des doutes parce qu'on voyait dans l'actualité cette semaine que même des infirmières françaises, une infirmière était formée en France, là. Ouais, elle arrive au Québec, là, puis là, on la paye un salaire salaire l'inférieur aux infirmières québécoises. Moi, j'ai de la misère à comprendre la logique derrière ça. Là. C'est, alors, c'est de la misère qu'un diplôme français, imagine-toi qu'un diplôme venant d'un pays d'Afrique ou peu importe, là, où là, c'est encore culturellement encore plus loin, fait qu'on est encore moins certain des normes là, derrière le diplôme, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Hein? Bien sûr, on se pose des questions sur la valeur des diplômes. Est-ce que nos diplômes, les diplômes étrangers valent les nôtres? Donc, il y a une façon de dire concrètement, non, on pense pas. Est-ce qu'il y a des intérêts, des fois, parfois corporatifs? On le dit, il y a de ces choses-là qui sortent. Quelle est la motivation, même pour le gouvernement, d'attirer des gens, de les payer moins? On pourrait dire, ben, écoute, ils sauvent de l'argent. Oui, puis non. En fait, gens qui gagnent des meilleurs salaires, qui ont de meilleures situations, contribuent davantage aussi à faire rouler l'économie, de toute façon. Ouais. Que je me demande, c'est quoi les motivations réelles? Moi, honnêtement, c'est un peu arrogant de ma part de dire ça, mais je me demande si les autorités politiques ont vraiment réfléchi à ces questions-là. C'est vraiment regarder là, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça coûte, puis est-ce que les résultats sont à la hauteur, dans le fond, des objectifs qu'on a mentionnés. Je vais donner une autre piste, là, peut-être une autre piste qui est très, très facile, très accessible, puis qu'on exploite déjà un peu, c'est l'éducation universitaire internationale. C'est-à-dire ça c'est, l'Université Laval est quand même très engagée là-dedans, puis je pense que c'est une très bonne piste, mais pas les autres universités également au Canada, mais c'est la meilleure façon, dans le fond, d'intégrer des immigrés diplômés, c'est via l'éducation universitaire, et quand la personne a passé 3 ou 4 ans, ou 5 ans dans une université canadienne, bien, quand elle a son diplôme, là, elle peut se poser la question, elle retourne dans son pays d'origine, puis c'est bien correct, ou bien non, elle décide de rester au Québec ou au Canada, puis là, au moins, elle a eu 4 ou 5 ans pour se familiariser avec les us et coutumes, bien apprendre la langue, bien maîtriser la réglementation. Donc là, c'est un immigré qui est beaucoup plus performant très rapidement. Et ça, c'est une façon peut-être simple. Ça ne règle pas évidemment le problème des pays d'origine, mais au moins, la personne peut s'intégrer rapidement et en douceur dans le marché du travail. Dans certains articles, poursuivre sur cette lancée-là, quand on dit environ 1000 immigrants par an se découragent et abandonnent leur ambition d'obtenir un titre professionnel, le gouvernement devra cibler le financement des stages et des formations d'appoint comme une priorité immédiate. En fait, c'est un article que je tire du Le Devoir le 11 octobre qui s'intitulait « Financer des stages ou des formations d'appoint, un outil pour mieux intégrer les immigrants ». Le premier ministre Philippe Couillard et 6 de ses ministres convient les ordres professionnels à une grande rencontre le 12 octobre, donc ça s'est fait, pour faciliter la concertation entre tous les ministères et les ordres afin d'améliorer le parcours des professionnels immigrants et ultimement faciliter leur intégration aux professions réglementées. Il faut savoir qu'environ 1500 demandeurs obtiennent une équivalence partielle qui requiert un stage ou un complément de formation. C'est là le cœur du défi car les stages sont sous la responsabilité des employeurs privés ou publics. Il y a ça aussi, il y a le mariage, hein, et qui n'ont pas les ressources ou qui ne voient pas l'intérêt d'engendrer des dépenses pour des stagiaires, surtout qu'ils n'ont pas de pénurie d'effectifs. Donc, la situation ne permet même pas de l'envisager à quelque part. C'est ça. Il faut dire aussi qu'au cours des dernières années, les ministères d'immigration ont eu certaines coupures. Là, on a coupé dans des programmes d'intégration. Il faudrait revenir un peu en arrière là-dessus puis être plus généreux dans les programmes d'insertion puis de formation des immigrés. J'aurais peut-être une autre piste que j'aimerais mentionner, mais parce qu'on l'oublie souvent, c'est que les travailleurs... Je mentionnais tantôt les cas de Drummondville ou de la Beauce qui manquent d'ouvriers non diplômés universitaires, mais quand même ayant des compétences pour travailler en usine. C'est ça la grosse pénurie au Québec et au Canada présentement. Il y a le programme où on entend moins parler, c'est prendre les travailleurs étrangers temporaires. On se rappelle que M. Harper avait décidé de couper un peu là-dessus parce qu'on s'était rendu compte que les travailleurs étrangers temporaires que tu invites ici pendant 3 mois, 6 mois, puis tu retournes chez eux après, bien, ça nuisait aussi à l'emploi des Canadiens eux-mêmes là, qui se déplaçaient pour aller travailler à Fort McMurray ou qui partaient de la Gaspésie pour aller travailler à Toronto. Mais il reste qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans parce que les travailleurs étrangers temporaires, c'est des gens qui, justement, n'ont peut-être pas des gros diplômes, mais sont prêts à travailler en usine ou travailler dans les champs, à cueillir les fruits de la saison, les légumes de la saison, etc. C'est peut-être ça qu'on a beaucoup besoin. Et ça, il faudrait peut-être changer un petit peu les critères de sélection. Peut-être pondérer davantage des gens un peu moins qualifiés, mais qui répondent aux besoins de l'économie locale. Et peut-être pondérer un peu moins fort les diplômes universitaires si on n'est pas capable de les employer. Bref, pour conclure, je ne sais pas si ça conclut ton intervention. On en a assez dit. On en a assez dit quand même. Non, bref, tout ça pour dire que on le voit bien, là, le portrait est large. Il inclut beaucoup de remises en question de beaucoup de secteurs qui devront se parler. Ça a l'air qu'on commence à le faire, tant mieux. Mais comme dans bien des choses, je m'en crois qu'à m'en l'ouaire. Hein? Exactement. remember when you were young. You shone like the sun. Fait mal au cœur de couper le sifflet, mais j'ai pas le choix. Je regarde mon l'heure passée. Allons-y. Donc, c'est David Gilmour que vous entendiez, bien sûr, à la guitare, tout seul sur scène. Magnifique. On voulait vous parler, en fait, quelques instants de cette nouvelle, évidemment, qui a fait beaucoup, beaucoup jaser, qui ça va continuer comme ça pendant des semaines. La réforme fiscale aux États-Unis, je sais pas si vous avez lu là-dessus, mais on parle de catastrophe volontaire, consciente dans certains cas. Donc, la réforme fiscale, c'est une loi, hein, bon, qui est imposante. Évidemment, on parle d'un document gigantesque dans la portée et pour aussi, bien sûr, moi j'estime, duper les Américains aller-retour. Les Républicains ont refusé que le projet de loi soit débattu. Ils ont limité ça au strict minimum. Il y a des démocrates qui disaient, écoutez, on a eu une heure, à peine un peu plus d'une heure pour lire 500 pages et dans un document corrigé à la main, dans la marge, avec des mots souvent illisibles. Il fallait voter là-dessus vite. Et ça a passé. Les arguments, il fallait passer la réforme parce que, comprends-tu, les États-Unis sont menacés de s'écrouler sous le poids de la dette, donc fallait agir absolument. Ce à quoi, d'ailleurs, Jean-Claude, ça va te faire sourire, je sais pas si t'avais vu ça, mais Trump a répondu le délicieux, vous savez, on peut pas être en défaut parce que de paiement, parce que, tu sais, on imprime de l'argent. C'est pas compliqué, écoute, rien qu'en imprimer, ça va bien aller. La motivation, donc, ce qu'on sortait, c'est ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, Jean-Claude, le ruissellement. On en parle de temps en temps à l'émission, on va baisser les taxes des plus riches, ça va aider notre économie. C'est ça, la grande motivation derrière cette réforme fiscale. Théorie du ruissellement, ça fait plus de 30 ans qu'on essaie de nous dire que ça marche, puis finalement, ça marche pas, la théorie du ruissellement, on l'a dit. On l'a dit à quelques reprises, effectivement, c'est une théorie qui remonte aux années Reagan, au milieu des années 80. L'idée était ça. Honnêtement, moi, un collègue m'avait expliqué ça à l'époque au bureau, puis je trouvais que ça avait un certain bon sens, mais je vais dire très vite pourquoi ça n'a pas de bon sens. C'est que l'idée, c'est un peu, c'est une métaphore, le ruissellement, c'est comme une cascade d'eau qui descend. Donc, ça part du haut, le 1%, puis là, ça descend par phases successives vers les gens de moins en moins riches. Puis, dans le fond, c'est pas fou en soi. C'est-à-dire qu'effectivement, les riches, ça part de l'hypothèse, les riches garderont pas l'argent sur leur matelas, ils vont la dépenser, puis ils vont acheter toutes sortes de choses avec ça, puis donc ça va irriguer l'économie, puis tout le monde va finir par en profiter. Sauf que ce qu'on a oublié de considérer, c'est que les riches, ils dépensent pas leur argent, ils ont rien que 24 heures d'une journée, ils ont déjà 7 ou 8 voitures, ils peuvent pas en acheter une dixième. Fait que ce qu'ils font, ils placent ça à la bourse. Fait que ça a eu pour effet, finalement, de financiariser l'économie. On a parlé aussi à l'émission, depuis une trentaine d'années, l'économie est de plus en plus axé sur la bourse, sur les placements, sur la finance et de moins en moins dans l'économie réelle. Donc, ça a eu cet effet pervers-là, la théorie du ruissellement, qui en soi n'était pas une idée complètement sotte, mais on avait oublié de dire, oui, mais la bourse existe, puis les autres, c'est là que ça va aller finalement. Oui, c'est ça, parce que l'idée, en tant que telle, on dit, parfait, on peut essayer cette théorie-là. C'était au début, tu dis, on essaye quelque chose, on pense que ça peut fonctionner, c'est encore tel que tel, mais quand ça fait 30 ans que tu l'essayes, il disait, d'ailleurs, là, je vais citer des bouts de l'entrevue de Nicolas Zorn, qu'on avait déjà eu à l'émission, qui a été accueilli par Gérald Filion, Radio-Canada, RDI, c'était très intéressant. Il disait, écoutez, là, c'est pas compliqué, là. C'est plus payant de baisser les impôts de la classe moyenne et des plus pauvres qui, eux, investissent directement et souvent localement. À ça, on le dit aussi beaucoup, l'argent qu'ils ont en plus. Avec l'argent qu'ils ont en plus, eux, les riches, ont plutôt tendance à redonner plus en dividendes aux actionnaires, exactement ça, pas à réinvestir dans les machines pour créer plus d'emplois. C'est pas le but. Et d'ailleurs, la tendance s'accélère parce que c'est ça. Il faut constater les chiffres. Une fois que tu as dit, on veut tester une théorie, c'est correct. Mais regarde maintenant factuellement ce que ça donne et ce qu'on constate, c'est que c'est pas ça qui se passe. Donc, vous pouvez pas répéter en science. Si vous répétez la même chose avec les mêmes paramètres, ça va donner les mêmes résultats. Alors, le but, c'est de hausser sa propre richesse. C'est plutôt ça l'objectif. Ils font des rachats d'actions, par exemple, pour hausser la valeur boursière. On est donc dans l'économie financière, dit-il, pas l'économie tangible. En somme, c'est du ruissellement des plus riches vers d'autres plus riches. C'est ça pareil, c'est ça quand même. Oui. Et si je continue là-dessus, donc, juste pour vous donner à quel point cette réforme fiscale-là, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, en quoi ça fait mal ou pas à la population, il faut savoir qu'une baisse d'impôts pour les riches financée par la classe moyenne et les pauvres, ça donne quoi dans les faits? On a parlé d'augmentation des taxes de 37 millions d'Américains de la classe moyenne ou des classes plus pauvres. On ampute l'Obamacare d'une bonne partie de ce qu'il est, ce qui va priver 13 millions d'Américains de leur assurance. On coupe l'aide sociale, l'assurance maladie pour les moins nantis, les aînés, on coupe les étudiants universitaires. C'est toutes des forces, là, très influents, des gros lobbies. On force des compressions de 25 milliards dans Medicare en 2018. Le taux de taxe des corporations passe de 35 à 20 %. Hein, les cadeaux, là, c'est là, là. Baisse de taxes de 5,6 milliards pour les ménages qui font 1 million et plus. Rien de moins. Baisser des taxes des riches de 39,6 à 38,5. Ça a l'air pas beaucoup, mais sur des millions, ça paraît. On abolit l'impôt sur l'héritage. On élimine des outils fiscaux qui limitaient un peu les recours des riches à des moyens pour sauver de l'impôt. On permet aux entreprises de rapatrier l'argent qu'ils ont placé à l'étranger en payant un taux de 10 %, pas plus. On va permettre aussi, ça c'est une autre affaire, le forage dans le parc national de l'Arctique. Hein? Ça c'est important. Et puis on va ajouter 1 billion au déficit. 1 billion, tu sais, c'est... 1 million de millions. Un million de millions, t'as raison. C'est immense. Fait que vous voyez, les répercussions sont vraiment importantes. Et ce qu'on se rend compte, et ça, c'était un commentaire qui a été beaucoup évoqué, c'est que c'est les plus riches qui vont en profiter, Trump y compris. Certains ont estimé, là, j'ai vu des chiffres qui différaient, mais certains ont estimé que la famille même de Trump allait se faire carrément entre 1 et 4 milliards. Si c'est vrai, évidemment, ce qu'il prétend avoir comme revenu, 1 et 4 milliards. Ben, même si c'était la moitié de ça, ce serait déjà, scandaleux. Même si c'était fait juste 1 million, ça serait quand même déjà pas mal. Mais effectivement, donc, celui qui s'est présenté en campagne électorale en disant qu'on va s'occuper de Wall Street, oui, il s'en occupe, mais pas du sens qu'il avait dit. Jean-Claude, as-tu un commentaire sur cette loi, sur cette réforme fiscale? Peut-être deux petits commentaires. Tu as dit, comme en 1985, sous Reagan, dans le fond, un effet de ça, puis tu l'as un peu évoqué tantôt dans ta citation, c'est que ça va justifier quand ils vont se rendre compte, finalement, que les chiffres ne balancent pas au niveau budgétaire aux États-Unis. Exactement. Ça va être un nouveau prétexte pour dire, on coupe dans les programmes sociaux, ben, ça coûte trop cher. Ils n'auront pas le réflexe de dire, on va réaugmenter les impôts. Ils vont plutôt avoir le réflexe de dire, ben, on coupe dans les programmes. Donc, ça va accroître les inégalités. L'autre élément qui doit préoccuper nos auditeurs, c'est qu'il y aura une pression, puis ça, tu vas l'entendre des ministres des Finances du fédéral, je ne sais pas si ça va être M. Morneau ou un autre, puis des ministres québécois qui vont dire, bien là, on n'a pas le choix, la compétition s'est intensifiée, les États-Unis ont coupé l'impôt sur les corporations, l'impôt sur les citoyens, donc nous, on n'a pas le choix, il faut suivre aussi, il faut baisser les impôts. Donc, ça amène pression sur les autres pays qui veulent demeurer compétitifs par rapport aux États-Unis. Tout à fait. Maintenant, c'est sur le plan électoral. Je me demande jusqu'à quel point on va réussir à tenir le coup parce que éventuellement, il va falloir se présenter devant l'électorat avec les chiffres que ça aura donné aussi, parce qu'on le sait que ça ne fonctionnera pas, mais ils le font pareil. Oui, mais des fake news, il y en a partout. Hein. Oui, ça, c'est vrai. Puis qui plus est, si CNN faisait attention à ce qui sort, des fois, ça éviterait de donner de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'ils sortent des fake news aussi. Ça, c'est dans les journaux. Vous verrez peut-être ça dans l'actualité. Jean-Claude, une petite pause, puis au retour, on va parler de notre statistique, en fait, notre pourcentage de la semaine dans quelques instants. Alors, Jean-Claude, on va parler justement de notre chiffre de la semaine maintenant. Tu disais, quel est le pourcentage de familles canadiennes sans dette? Parce que ça existe! Oui, ça existe. Mais en fait, le chiffre est quand même assez rassurant. Les chiffres sont sortis cette semaine. C'est l'enquête sur la sécurité financière publiée par Statistique Canada. Alors, le chiffre est près de 30 %. C'est 29,6 % en 2016 de familles, en fait, de ménages canadiens qui n'avaient pas de dettes. C'est extraordinaire. J'espère qu'il y en a beaucoup parmi nos, ben parmi oui. nos éditeurs. Ben oui, ben, je suis pas dedans. Non. Non, mais d'ailleurs, je vais justement mentionner quelques autres chiffres. Là, ça, c'est une moyenne, évidemment, de toutes les catégories d'âge. La catégorie, quand même, qui est une des plus préoccupantes, c'est... je vais peut-être commencer par dire que c'est 29,6 %, c'est un beau chiffre, mais il reste que ça s'est détérioré par rapport à 99. 99, c'était près du tiers, c'était 32,7. Donc, il y a un peu moins de familles maintenant sans dette au Canada qu'il y en avait en 99. Il y en a moins qu'en 2005 également. Mais ça s'est amélioré un petit peu par rapport à 2012. En 2012, c'était 28,9. On semble remonter un petit peu là, en termes de désendettement des Canadiens. Mais la catégorie la plus... il y a deux catégories préoccupantes, c'est les 35 à 40. Puis les 45 à 54 étaient un peu à cheval sur les deux. C'est les deux catégories préoccupantes. Les 35 à 44, les autres, c'est 15,4 % seulement qui n'ont pas de dette. Mais c'est un peu normal, tu es dans la force de l'âge, tu as acheté une maison, tu as des enfants. On les excuse, mais eux, c'est préoccupant parce qu'ils ont baissé beaucoup. C'était 20 % qui étaient sans dette en 99, c'est maintenant 15 %. Donc, il y en a pas mal plus, là, il y en a pas mal moins, c'est-à-dire qu'ils sont sans dette qu'il y en avait il y a une vingtaine d'années. Les 45 à 54, c'était un peu la même chose. Il y en avait 23,7 % presque 24 % en 99 qui n'avaient pas de dette. Maintenant, il y en a seulement 18,4. Donc, on a baissé pas mal ces deux. Puis les 45 à 54, c'est que lui aussi, c'est préoccupant parce que c'est des gens qui approchent de la retraite. Enfin, on leur souhaite, là. Faut vite, pas vite prendre la retraite à 55 ans, mais faut que tu commences à avoir un petit peu d'économie pour en prévision d'une retraite qui va arriver dans des années subséquentes. Je trouve ça très cohérent par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'endettement la semaine dernière. À savoir que, dans le fond, parce que les taux d'intérêt sont bas aussi, on a eu tendance à dire, oh, regarde, on va en mettre ça à carte, on va le faire, on va se gâter, ouais. on va faire ça. C'est très tentant. Donc, cette espèce de roue qui a été démarrée et qu'on veut d'ailleurs entretenir, moi, c'était ma petite conclusion personnelle. Quand je voyais l'analyse de Desjardins, je dis, bon, ben, finalement, on a du fun. C'est risqué, mais ça va bien. On est capable de continuer. Ça se voit, ça se mesure. Est-ce qu'on sait quand même le 29,quelques %, c'est qui cette clientèle-là? C'est qui ce monde-là? Ben c'est toutes les catégories d'âge. Mais quand tu le décomposes, tu te rends compte évidemment que la situation varie selon les âges. Évidemment, les personnes de 65 ans et plus, puis là, ça remarque que c'est normal. Ouais. Les autres, il y en a quand même 58 % qui n'ont pas de dette. Mais une chance. Quand tu es rendu à 65 ans, il commence à être temps que tu aies moins de dette. Mais il y en a quand même, ça le dit, là, il y en a 56 % qui n'en ont pas. Ça veut dire qu'il y en a 44 qui en ont des dettes encore. Ouais. Donc, la situation quand même, c'est peut-être pas si pire, mais c'est ça. C'est parlant. Parlant de ça, Bitcoin, tu voulais revenir là-dessus parce que ça avait varié? Ben oui, c'était notre chiffre la semaine passée, mais on a manqué une bonne occasion d'investir, toi et moi, ben David. Oui. C'était 11 000 la semaine passée, ça a monté à 17 000 $ cette semaine. Et quand je suis parti tantôt de la maison, c'était 14 000, puis c'était en baisse, là, que c'était vraiment... Faut pas que tu partes de chez vous, c'est ça que ça veut dire? Ben, presque. En tout cas, ça veut dire que c'est pour des gens qui sont pas trop nerveux que d'acheter des Bitcoins. Mais c'est du yo-yo incroyable. Ça n'a aucun sens. C'est du délire. C'est de la pure spéculation. Puis ça va péter là, pas mal fort là, avant longtemps, j'ai l'impression. Merci, Jean-Claude. Alors voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup, bien sûr, à Jean-Claude. Oui, merci. Ça me fait plaisir. La collaboration, la recherche et la présence en studio, toujours apprécié. La semaine prochaine, on va parler du livre « Désobéir et grandir vers une société de décroissance », n'est-ce pas, hein, de Paul Ariès. Ça se promet d'être... Oui, certainement. Oui, la décroissance, c'est un beau sujet. Oui, on en avait déjà parlé un peu. On va revenir là-dessus, sur cette idée qui peut paraître saugrenue de décroissance. Peut-être pas tant que ça. Donc, bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Visitez econophile.net. La semaine prochaine sera notre dernière émission, d'ailleurs, de la saison. On va se prendre à payer une petite pause. On se priver de paye pendant 3 semaines. Et puis, on va revenir en forme au début du mois de janvier. Donc, merci beaucoup. À samedi prochain pour notre dernière de 2017.